Monsieur Jourdain, bon bourgeois enrichi, ne désespère pas de devenir gentilhomme, c'est-à-dire de se mêler à la noblesse et aux gens de qualité. Il s'habille comme eux, et comme eux, il a quotidiennement son maître de musique, son maître à danser et son maître d'armes. Et, avec les visions de noblesse et de galanterie que Monsieur Jourdain s'est allé mettre en tête, il est pour tous ses maîtres une facile source de revenus. Mais aujourd'hui, il reçoit en plus un maître de philosophie.